Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. Chercher l'amour dans un champ miné, il te voit, se laissant voir dans l'immensité d'un ciel brisé. Chercher l'amour dans un champ miné, sous l'orage, au passage, il te dévisage, t'es repéré. Si tu veux, tu peux entrer dans leur jeu. Mais ça suppose prendre la pause avec eux. Si tu veux, tu peux entrer dans leur jeu. Mais ça suppose d'être quand même un peu comme eux. Chercher l'amour sous une pluie d'été, sur la lande, leur sarabande t'invite à danser, à rêver. Chercher l'amour sous une pluie d'été, dans les airs, l'atmosphère se perd en éclairs, tamisé. Si tu veux, tu peux entrer dans leur jeu. Leur trombone claironne, carillonne. Si tu veux, tu peux, leur musique est un jeu. Mais ça suppose d'être quand même un peu comme eux. Entrer dans leur jeu, mais ça suppose prendre la pause avec eux. Si tu veux, tu peux, leur survie est un jeu, mais ça suppose d'être quand même un peu comme eux. Quand même un peu comme eux. D'être quand même un peu comme eux. C'est souvent dans les vieux pots que la confiture est la meilleure, mais une fois que ce premier proverbe est énoncé, comment foncer vers un jeune pot du rock? Un autre proverbe déclare qu'avec le temps et de la patience, on vient à bout de tout. Isaac Delusion, qui arrive à présent en doute, alors ce jeune pot du rock va piocher dans le répertoire d'un très vieux pot de confiture. Elle était maquillée, comme une star de ciné, à côté au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Nanana, elle semblait bien dans sa peau. Ses yeux couleur montent à l'eau. Cherchait du regard un spot, le dieu projecteur. marchait comme un chat qui méprise sa proie, ou frôlant le flipper. Nanana, la chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Enfin, Claude Moine dans Radio Lozing. Est-ce décalé? Peut-être, mais avec Isaac Delusion, ça passe. Enfin, tout juste. Mais revenons à notre Radio Lozing sur la très locale RVR, qui n'oublie jamais que si l'amitié peut finir en amour, rarement l'amour finira en amitié, mais plutôt en bagarre, comme le chante Loulou Van Trapp dans son tout dernier titre. Où je suis pas invité, de tous ces regards, mon habit de fantôme, le soleil me cache. Je Et comme tous les jeudis entre 17h et 18h, vous écoutez au 104.6 Radio Le Zinc. Et voici tout de suite le dernier titre de La Poison. N'oubliez pas, Radio Le Zinc est là pour vous offrir ce qui, peut-être, ne sera pas ailleurs. Une heure de musique francophone sans pub. Et aujourd'hui, quel courage de chanter autre chose que du rap. Mais le courage n'a pas d'âge. Voici The Accident, pseudo d'un groupe français qui surfe entre rap et pop dans On part en thèse. L'horizon, je défie les saisons sans répit. Soleil, orage, défile, la pigage plane, je rêve-t-il. Je rêve que je m'esquive, même si le taf n'est pas nif. Paris n'est pas vide, pas grave, je m'en fiche. Demain je m'enfuis dans un endroit festif, loin du terre-terre et de sa périphérie. Je veux du soleil, de l'air, de l'iode dans le pif. Voir les vagues frapper le récif avec mes potes sous ventre speed. Je veux une bagnole qui consomme pour qu'on se tire, qu'on atteigne le summum, qu'on passe des larmes au rire. Et me souvenir qu'on parlera du pire, de la mer, du meilleur en attendant les souvenirs. Oh. je parenthèse, non j'ai pas de limite. Quand je parenthèse. Quand je parenthèse, non j'ai pas de limite. Quand je parenthèse, hein. À vrai dire, je veux une vie différente où je tenterai la chance sans intermittence. Voir les amis d'avant et partir en vacances. En manque, est-ce que tu ressens que j'ai plus de sensations? Impatient et sans passion, la vie parisienne sans façon. Dans le fond, le gris des bâtiments me rend fou. Sans le sou, pas d'oxygène, je suis dans le flou. Je l'ai dans le fion, je rêve d'avion qui m'éloignerait de ces inactions et de ce trou. Debout loin, j'imposerai ma vision. Partir là-bas sans prévenir, ailleurs c'est quelque part, loin de l'avenir. Tout trace et repeint tous les jours en noir. Allez là, on fait pas semblant. Là on se rassemble tant qu'on est ensemble. Dans une caisse, on est tellement qu'on n'a pas besoin de sang. Bref, ça fait long time que je suis pas tipa. Ça fait un bail que j'ai pas écrit de carte postale à la MIFA. Que le rap reste une biche, file à l'anglaise en charentaise. Et j'ouvre une parenthèse pour goûter au sun des West Indies, hein. Quand je parenthèse, non j'ai pas de limite. Ah. Quand je parenthèse. Quand je parenthèse, non j'ai pas de limite. Quand je parenthèse. Parle pas dans le vide. Vas-y, on se fait la malle et on se barre en tir. Tire, tire. Parle pas dans le vide. Vas-y, on se fait la malle et on se barre en tir. Tire. Parle pas dans le vide. Vas-y, on se fait la malle et on se barre en tir. Parle pas dans le vide. Vas-y, on se fait la malle et on se barre en tir, tir, tir, tir. Quand je parenthèse, non j'ai pas de limite. Quand je parenthèse. Quand je parenthèse, non j'ai pas de limite. Quand je parenthèse. Aimez tous les artistes programmés tous les jeudis entre 17h et 18h dans Radio Le Zinc. Foncez sur la page Facebook de Radio Le Zinc. Je pourrais comme d'autres vomir des états d'âme, cracher le fiel des anges, cracher le fiel. Je pourrais comme ta colère éclater sur des portes closes, faire tomber les murs. Comme d'autres, rester en la demeure d'obscurs faiseurs de sorts, les parents de tes sœurs. Tu pourrais comme avant user la corde raide, revoir la vie en rouge sans trouver de remède. Comme d'autres, rester. rester en la demeure d'obscurs faiseurs de sorts, les parents de ta sœur. Tu pourrais comme avant user la corde raide, revoir la vie en rouge sans trouver de remède. Il y a bien longtemps, Lamartine écrivait que si un seul être nous manquait, tout était dépeuplé. Agora Fidelium me manque, mais heureusement, Lamartine vivait avant l'ère numérique, et par ce fait numérique, Agora Fidelio peuple encore les programmations de Radio Le Zinc. Seul, on vit sur des écrans. la chaleur, on se cache, on meurt tout seul. On oublie ses parents, samedi soir en pagaille. Le diable au corps, on douche pour oublier tous ces tresses fixes au fond. On fuit encore la semaine pour assumer. L'Amérique, ils sont loin, ils sont loin. L'Amérique, ils sont loin, ils sont loin. Ils sont loin de nous, ils sont loin. Début d'autres siècles, on vit encore, on marche avec nos pieds comme avant, le cœur y est, on tue encore pour l'amour des enfants, on ne prêche que ceux qui croient, la guerre des corps pour soigner le dedans. C'est la marche avant, les autres, on crie encore, on baisse pour oublier. La semaine passée, Radio Lezinc sur la très locale RVR découvrait la fille qui veut sortir avec un rappeur, Alice Vanon Runbug. Ouais, j'y suis arrivé, hein, c'est bien comme ça que ça se dit. Cervelle du groupe rock pop Alice et moi revient ce soir avec son titre 100 fois. C'est comme une porte qui claque, on s'ennuie, on se plaque. Je vais t'écrire jamais tout le temps, partir mais doucement. Je me lasse de toi, dans tes bras j'ai trop froid. À 100 je ne compte plus les fois où j'ai voulu vivre 1 et 2 sans toi, sans toi au moins 100 fois. Je veux que tu bouges des lèvres, debout contre nos rêves. Tu embrasses la fièvre qui lentement nous crève. Et me délaisse, me baise la main et baisse la tête quand tu me blesses. Je veux que tu te confesses, qu'à genoux tu me laisses. Libère et défais-moi, aime-moi au moins 100 fois. Je veux chercher partout d'autres histoires que nous et goûter à des peurs, des goûter de remords. Oh oui, je veux du drame, des cris, du grand, des larmes. Allez, fais-moi pleurer. fais-moi danser. h 30 passé, vous écoutez Radio Zinc sur RVR. Des frigos, des multirobots, des îles, des vidanges, des gaz à gogo, des liquides toxiques pour bien qu'élastique, et du silicone pour être esthétique. Ça fait moi peur de mourir à plusieurs, avec ardeur, nous sommes nos Foxfire. Des anti-moustiques, des bonbons chimiques, les plaques tectoniques ou la bombe atomique. En plastique, des boissons qui piquent, des armes automatiques dans les villes touristiques. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Aucun bonheur, nous sommes nos super fantastique, sans aucune éthique ou dessin tragique. Des nostalgiques de la chaise électrique, des frustrés cyniques qui règlent le cirque. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Avec ardeur, nous sommes nos Foxfire. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Au cœur, bonheur, nous sommes nos. Le tonton belge du rock est et sera toujours dans Radio Le Zinc et chez nos compères de Pop and Rock les lundis soirs. Mais dans Radio Le Zinc, on aime aussi les petits jeunes et même les petites jeunes de brune. Mmh. Et si les brunes comptent parfois pour des prunes, les brunes savent faire du rock. Reste là, allume-moi un instant. Reste là, fume mes lèvres en suspens. T'es si beau, plus beau que n'importe qui. Reste là, ton corps est chaud comme la braise. Reste le même, je vais te mordre tant je t'aime. T'es si doux, plus doux que n'importe quoi. Je suis bien, ou bien mieux que n'importe où. Einstein ne faisait pas que tirer la langue, il nous disait aussi que la vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Manu, ex-égérie de Dolly, a failli se perdre, mais elle n'est pas tombée, malgré ses deuils. Voici Manu en live. Sourire cassé. Serrer encore, et de serrer, serrer. passer. La position était classique et jolie à regarder, comme à des films de série Z. J'aurais dû me méfier. Toujours cette image qui m'entête et m'empêche de penser. J'ai envie. Sans prendre ma couleur. C'était en 2013, Petite Perle ressuscitée par Manu de Dolly, ex de Dolly. C'était les 6 minutes d'émotion dans Radio Le Zinc. Radio Le Zinc, c'est fini pour ce soir. Finissons donc en beauté avec nos cadavres exquis du rock préférés. Elista et votre serviteur vous saluent bien bas. Sur ce, bis à messieurs, bis à mesdames. Pour devenir idole, pour être formidable, rigole. J'ai rêvé, je sais, j'ai rêvé, je sais, c'est normal. J'ai ramé, je sais, j'ai ramé, je sais, c'est normal. Comme Perceval. J'ai ramé, je sais, c'est normal.